Après avoir abordé avec Myriam Le Breton et Vincent Dupont le spectacle Mettre en pièce et aussi le travail de cette compagnie dans le cadre des résidences territoriales artistiques et culturelles en milieu scolaire, peut-être l'occasion pour nous de faire le point avec Elsa Jourdain, donc attachée aux relations au public à l'apostrophe, pour nous proposer, nous indiquer les trois résidences qui vont être menées et engagées à l'apostrophe au cours de cette saison. Elsa. Oui, bonjour. Alors en effet, à l'apostrophe, nous menons cette année trois résidences territoriales, artistiques et culturelles en milieu scolaire. Ces résidences, elles ont pour ambition de développer l'éducation artistique et culturelle et d'approfondir les partenariats sur un territoire. Et elles reposent sur un partenariat étroit entre une structure culturelle, donc l'apostrophe, un établissement scolaire pilote et d'autres établissements scolaires, et un artiste ou une compagnie. Et donc cette année, effectivement, nous avons trois résidences avec Vincent Dupont, comme on vient de l'entendre, sur la thématique des sens, avec Nicolas Struve, le metteur en scène d'À nos enfants, sur la thématique de l'autoportrait de groupe, et avec Olivier Letellier, une résidence qu'on a appelée la Brigade des lecteurs, qui cherche à faire découvrir aux élèves les auteurs dramatiques contemporains. Et il y a également deux spectacles, La nuit où le jour s'est levé et La petite forme maintenant que je sais, dont Olivier avait présenté en février sur RGB. Et donc pour terminer sur ces résidences, l'enjeu un peu, on va dire, global de ces projets-là, c'est de permettre au plus grand nombre d'élèves d'appréhender le processus de création d'une œuvre contemporaine. Et dans le prolongement de ces résidences, il y a aussi le grand rendez-vous Melting Pot, les rencontres interscolaires des arts qui vont réunir plus de 700 élèves sur 3 jours au Théâtre des Louvresses et auxquelles les classes des résidences territoriales participent également, c'est ça ? Voilà, tout à fait, exactement. Les Melting Pot, c'est un petit peu le gros temps fort de l'éducation artistique et culturelle qu'on mène à l'apostrophe. Et ça réunit tous les élèves des 3 résidences que je viens de citer, et puis d'autres élèves des autres dispositifs de l'éducation nationale pour un grand temps de création au Théâtre des Louvrets à la fin du mois de mars. Avec une particularité pour cette édition 2017, il va y avoir une marraine, célèbre dans le milieu de la chorégraphie, c'est Maggie Marin. Oui, on est très content d'avoir Maggie Marin cette année comme marraine des Melting Pot. Elle va être présente avec nous toute la journée du mercredi 29 mars. Donc voilà, ça nous réserve plein de belles surprises avec Maggie. On prend rendez-vous pour ces Melting Pot, puisque le public est évidemment invité à découvrir sur scène ce qui sera proposé par l'ensemble des participants, chez des élèves en particulier, du 28 au 30 mars prochain. Présentation ouverte au public le mercredi 29 mars et le jeudi 30 mars à 18h. Précision, l'entrée est libre, mais sur réservation obligatoire, parce qu'effectivement, les murs, on ne peut pas les repousser sans cesse. Merci Elsa. De rien.